bateau, le bateau entre en port ou je ne m'y connais pas. I'm back, Charline. Ah, Laetitia Gaillet, dites-toi, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a perdu? Non, non, j'étais ailleurs. Ah, d'accord, très bien. Un autre monde. Ok, très bien. Ben, écoutez, revenez avec nous. Hein, on espère vous retrouver demain. Et en attendant, écoutez ce qui s'est passé ce matin dans la réalité, l'ancrage, le monde du journalisme au fond de la classe, près du radiateur et de la fenêtre. D'accord. Salut les amis. Salut Charline. Bah Alex, qu'est-ce qui se passe là? Eh bah il boude depuis non, ce matin. Non, je boude pas. Ah si, si, si. Oui, un peu. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, mais j'ai regardé tous les sites d'infos là par rapport à SwissLeaks et... Ah bah parfait, comme ça on en fait un sujet. Ah bah oui, évidemment qu'on en fait un sujet, mais c'est pas ça mon problème quoi. Mais c'est quoi alors? Eh bah je suis pas dans les listes. Pardon. Mais oui, mais j'ai regardé tous les articles, toutes les rumeurs, je suis pas dedans. Bah tu le savais non? Bah comment veux-tu que je le sache? Bah t'as jamais caché de l'argent en Suisse. Bah non. Bah alors t'as rien à te reprocher, puis t'es pas dedans. Eh bah si, bah c'est ça que je me reproche. Si j'avais été dans les listes, ça aurait voulu dire que j'étais très riche quoi. Et que j'étais un grand humoriste. Et ouais, Gad Elmaleh, il fraude, c'est la classe. Si ça se trouve, Dubosc, il fraude, peut-être que Forestier, il fraude. Même à l'évêque, il fraude, peut-être. Ah non, ça sûrement pas. À l'évêque, il est de gauche. Comme Cahuzac. Ah ouais, c'est pas faux. Non, t'imagines, si j'avais fraudé, on m'aurait assimilé à Gad la star. Et là, je me retrouve avec qui? Avec les humoristes honnêtes, les Morel, les Popek, les Guillaume Meurice. Ah non, mais ça, attends, qu'est-ce qui te prouve que Guillaume Meurice, il est honnête? Bah ouais, t'es où il était ce week-end? Non, en Suisse. Non, mais à l'UMP. À l'UMP, il va frauder, c'est sûr. Il va être à côté de Gad dans les journaux. Peut-être même que Popek qui fraude Ah ouais. Les caleçons molletonnés. Ouais, voilà. Ça réchauffe. Ouais. Oh, c'est bon, c'est pour louche, la Suisse. Hein. Ouais, non. Ouais. Bon, alors on se dépêche de trouver des sujets là, parce que moi, dans une demi-heure, je dois appeler Zurich. Non, non. Je pars un garde, moi. J'aime ma banque. Bonjour la France Inter, bonjour la Suisse Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité en dehors des pointillés et voici les trois sujets du jour. Le Monde révèle les noms des évadés fiscaux en Suisse, un feuilleton qui réunit John Malkovich, Christophe Dugarry, Jacques Desange ou Gad Elmaleh, bref de grands utopistes. Je rêve d'une banque qui penserait à mes intérêts. L'utopie à l'UMP, c'est le grand rassemblement, comme au congrès ce week-end où les sympathisants ont pu apercevoir leurs idoles sur scène. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, enfin, moi je m'en vais. La prochaine télé-réalité s'appelle Adam recherche Ève sur D8 et les candidats seront nus. Le producteur de l'émission nous explique le concept. À poil la babysitter, à poil les voisins, à poil la mamie. Et pour s'emparer de ces sujets, je suis accompagnée de celui qui n'est pas à poil, mais qui toujours de belles chemises pour masquer. Vous êtes un berbe, hein, ben oui, Zurich, mais je ne lis même pas de regret. La berbe de la blague est avec moi. Vous n'êtes pas tant bronzé que ça à Montpellier, je suis pas mécontent. Alors, autour de la table à 17h20, le schizophrène de cette émission, car il ne sait jamais s'il est plus actualité ou plus musique, c'est celui qui range ses gazettes dans des pochettes de 45 tours. Bonjour Thomas VDB. Bonjour. Alors, Alex. On est plus quoi aujourd'hui? Oh, clairement, plus actu. On va parler aujourd'hui des personnes qui disent du mal des autres sur Internet, sous prétexte qu'ils cachent leur argent à l'étranger. Je trouve ça un petit peu facile. C'est méchant. Et à 17h30, moi je sais où il est allé ce samedi. Et je peux vous dire, il y aura un avant et un après, car il a rencontré son idole. Est-ce que je me trompe, Guillaume Meurice? Oui, mais mes idoles, Alex, puisque je suis allé au Conseil National de l'UMP. Ils étaient tous là, Estrosi, Hortefeux, Raffarin, et bien évidemment, la délicieuse Nadine Morano. Vous êtes sur France Inter et vous dites des trucs, c'est grave. Eh oui, c'est grave de dire des trucs sur France Inter. Et à 17h40... Grâce à elle, j'ai appris qu'en matière de femme, j'avais les mêmes goûts que Louis Nicolas. Car vendredi dernier, il a dit d'elle, oh, elle est bonne. Il s'agit de Clara Dupont-Mono. Vous êtes revenue quand même et je suis ravie. De quoi parle-t-on? Ah, je suis revenue, oui, rôti de veau avec des patates sautées. J'ai entendu ça. Et voilà. On va parler des bras d'honneur avec des mots. Comment on fait un bras d'honneur avec des mots? Très bien. Ah bon? Bah écoutez, ça va être radiophonique. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous jouez votre premier spectacle solo en 91 quand Edith Cresson devient Premier ministre. Vous participez à l'émission Rien à cirer avec Laurent Ruquier sur cette antenne en 94 quand Robert Rue succède à Georges Marchais à la tête du Parti communiste. Vous présentez votre candidature à l'élection présidentielle sous le nom de Super Rebelle en 2011, quand les indignés se rassemblent à Madrid. Vous êtes donc... Je suis vieux, visiblement. J'aime bien indice. Cette façon de présenter comme ça là. Hein, vous êtes né sous De Gaulle déjà. La dernière année de Gaulle. C'était sa dernière année au pouvoir. Oui, c'était sa dernière année. Oui, allez, oui. Dénoncez-vous. Je suis Christophe Lévesque. Mais oui, c'est bienvenue. Lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Christophe Lévesque, qu'on pourra voir en Suisse du 25 au 30 mars. Mais oui, oui, oui. Bien sûr, mais je n'ai pas honte. Et alors, c'est parce que justement, votre spectacle s'appelle 2000 ans de mensonges, et avec vous, et Serena Rinaldi. Et puis, Christophe Lévesque déchaîné, vous êtes actuellement en tournée, et vous serez notamment les 13 et 14 février à Mulhouse, en tournée, donc on n'a pas encore pu vous voir. Non, parce que c'est un nouveau spectacle que je rôde comme ça pour l'instant, doucement. Vous faites la Saint-Valentin. Saint-Valentin à Mulhouse. Oui, est-ce que vous avez marqué beaucoup de points? La Saint-Valentin, c'est la fête des commerçants. et je n'aime pas les commerçants. Alors, comment se passe le rodage en tournée et quand est-ce qu'on pourra vous voir? Eh bien, écoute, ça se passe plutôt bien. J'ai fait ce spectacle la première fois à Auxerre au mois de janvier. Et je dois dire que c'était assez difficile, c'était après les massacres, les événements. Et le matin, j'étais à l'enterrement de Tinius et j'ai joué le soir. Et je dois dire que, heureusement que le public m'a soutenu, porté à bout de bras, parce que c'était ma foi chaud. Mmh. Alors, on vous retrouve aussi avec votre chronique dans Ciné Mensuel. Comment se porte Ciné Mensuel aujourd'hui, Christophe Lévesque ? Ciné Mensuel se porte comme se portait Charlie Hebdo avant. Donc pas fort bien. Voilà, donc ouais. Je pense qu'il faudrait que des gens cagoulés viennent. On préfère que vous la fassiez, vous. On va pas arriver jusque-là. J'ai pas dit ce qu'ils allaient faire. Est-ce que vous voulez me donner les horaires d'autres de conférences, de rédaction, est-ce que des infos à donner? Bah, je vais quand même pas tracer le chemin, parce que sinon après je vais être complice. Pour éviter d'en arriver là, vous savez quoi, quand vous achetez le prochain oui, Charlie le 25 février, pensez aussi, ou même n'attendez pas dès ce soir ou demain, à acheter évidemment Ciné Mensuel. Et on retrouve notamment votre chronique où vous dites, Christophe, dans le dernier numéro qui vient de paraître, hein, que ça fait du bien d'apprendre que les routiers sont en grève et que l'unité nationale se barre en vrille. Finalement, c'est un retour au merdier habituel, bref, la vie. Oui, oui, après ce qu'on a vécu au mois de janvier, oui, ça faisait, c'était charmant d'apprendre, tiens, les routiers sont en grève. Et là, tu fais, oh, tout va bien. Mais est-ce que ça va sinon dans la vie, Christophe Lévesque? Parce que c'est vrai qu'on demande, alors ce spectacle, écoute, la première, c'était pas brillant. Et le journal, non, c'est pas fou, le journal, c'est en train de se casser la gueule. Mais tu vas te taire. Je me tais. Mais non, parce que c'est vrai que j'ai fait la première. Mais cela dit, ça s'est extrêmement bien passé, parce que j'ai énormément de talent. Mais c'est pour ça que vous êtes déchaîné. Je me rappellerai beaucoup de cette première, parce que voilà. Les gens rient énormément et je trouve qu'ils rient même encore plus. J'allais dire, vous trouviez que c'était important de jouer aussi ce soir-là et très très vite après les événements. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Hein. À un moment donné, on se demandait ce qu'était le prix de la liberté. Le soir, les gens avaient payé leur place. C'était ça le prix de la liberté. Mmh. Donc, mais oui. Et voilà, on avait un genou à terre. L'essentiel, c'est de ne pas avoir les deux. On pourrait se mettre à prier. Évidemment, dans votre spectacle, vous connaissant, il y a toujours une part pour la religion et pour la politique et l'ancrage pour l'actualité. En général, pas la politique politicienne, parce qu'au bout d'un moment, c'est assez gavant. Mm-hmm. Mais voilà, mais il y a un piano sur scène. Je parle de rêves, d'utopie, de Don Quichotte. Ah oui, vous aussi, voilà. Vous êtes un grand utopiste. J'essaye. Oui, il faut laisser la porte ouverte, parce que sinon, comment voulez-vous qu'on s'enrhume? Christophe Lévesque déchaîné en tournée, et notamment Tais-toi. Ah, mais non, je dis rien, parce qu'il y avait des bébés qui arrêtent pas de se foutre de ma gueule. On va le cadrer. On va le cadrer. On peut vous voir notamment les 13 et 14 février à Mulhouse. On essaiera de vous donner quelques dates supplémentaires d'ailleurs. Je vais compléter la liste d'ici. Et le 19 à Valsenis, c'est à la montagne. Ah, voilà, très bien. Et puis en Suisse, hein, pour 2000 ans de mensonges quand même, oui, faut pas oui, oublier. Oui. Ce qui est important en Suisse, c'est le retour. C'est ça, avec les valises vides. Allez, je vais vous citer dans votre chronique de Ciné Mensuel, parce que on s'y retrouve. Hein. On se calmera quand l'actualité se calmera. Sinon, ce serait une faute professionnelle. Jusqu'à 18h avec Christophe Lévesque déchaîné comme nous sur France Inter. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. some people try and dream it like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and dream it like a man. They think I know, but that's just it, I'm a child. C'était pas assez long comme fin. I feel just like a child. Devendra Banhart. C'est Thomas VDB qui fait la programmation, qui, la choisit, guitare, les, la guitare, qui choisit les chansons. Qui n'en finit jamais. Ça vous a plu, ça, Thomas VDB? C'est votre genre? J'aime beaucoup Devendra Banhart. C'est un gros babos avec des cheveux longs et une barbe. Un gros babos. Voilà, tout simplement. Ouais. Son prénom lui vient d'un mystique indien. Ça plairait à André Manoukian, qu'on retrouvera mercredi. Nous sommes sur France Inter. Si tu écoutes, j'annule tout avec autour de cette table. Eh bien, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice, qui a été se faufiler à l'UMP, on se réjouit. Et ça se passe dans une quinzaine de minutes. Et bien sûr, Thomas VDB, notre invité, Christophe Alévèque. Et bonjour. Avant cela, Alex, je vous réquisitionne pour une revue de presse. Prêt. Charline Van Nacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Bien sûr, on commence par l'affaire Swissleaks. Oui, car vous le savez, Charline, pour les humoristes, Internet est un instrument formidable. Ah, ça, je vois pas où vous voulez en venir. Hein, bah, quand on a envie de retrouver un très très bon sketch, puis de se l'échanger, même un vieux sketch, mais c'est pas perdu. Ah quoi. Oui, et donc alors J'ai un sketch de 2009, de Gad Elmaleh. Je vous rappelle que Swissleaks, eh bien, c'est sur la période 2006-2007. Donc voici l'excellent sketch de l'interview de Gad sur une chaîne suisse. Pour les artistes comme vous, français, certains viennent s'installer en Suisse pour payer moins d'impôts, d'impôts. Vous, c'est quelque chose que vous feriez? Non. Non. Mais... Vous savez qu'en Suisse, en tout moment, il y a un grand débat sur le secret bancaire. Notamment la France et Nicolas Sarkozy ont beaucoup crié contre la Suisse. Ils ont même dit aux gens, ceux qui ont des comptes là-bas, faut arrêter. Hein. Ouais. Alors moi, quand j'ai vu ça, c'est un élément comique. Parce que j'imaginais tous les gars qui ont des comptes en Suisse qui le lendemain disent, j'ai vu la télé hier, je vais aller leur dire... Vous n'avez pas de compte en Suisse. Pas de compte en Suisse. Non, pas encore. Pas encore. Ah oui. Le Cahuzac de l'humour. Voilà. C'est dingue ça, oui. Et parmi les autres noms de la liste, on trouve notamment Phil Collins, Mohamed VI et Christophe Dugarry. Ah, Christophe Dugarry, ça doit lui faire plaisir d'être sur une liste sans être imposé par Zinedine Zidane. Ah, et Philippe Laville. Oui. Ouais. Mais là, je suppose que vous n'avez pas de pièce compromettante. Ah, si, si. J'ai une pièce compromettante. Figurez-vous que j'ai la première version d'Il tape sur des bambous. Il a planqué ses sous et ça lui fait du bien. De pas donner beaucoup au pays d'où il vient. Sur radio, il y a du fric, il a des copains. Jacques de Sange, Malkovic, tout des transalpins. Il a planqué du fric comme le roi des requins. À Zurich au mois d'août, les îles Vierges au mois de juin. Lui, il voyage partout, le fisc l'aime bien. Les impôts, il s'en fout, il est trop malin. Ah, c'est la première version. C'est une jolie version. Et puis une belle version. Alex, on termine donc par une bonne nouvelle pour l'industrie française. Oui, c'est la Voix du Nord qui l'annonce. En fait, une entreprise du Nord-Pas-de-Calais va créer des sabres laser comme ceux de Star Wars. Et les 5 premiers sont déjà prêts. Ils devraient être vendus à 350 euros. Ah, et vous, vous trouvez ça bien, vous? Bah oui, je trouve ça bien parce que je comprends que ça vienne du Nord. Parce que, on a envie d'y jouer Star Wars. Luke. Je suis ton père et aussi ton oncle et aussi ton frère. Et... Merci Alex Vizorek. Nous sommes je la trouvais mignonne. Il est 17h23 sur France Inter, à Paris, à Douai, à Arras, à Hénin-Beaumont. On embrasse évidemment tous les gens du Nord et tous les Suisses. À Maubeuge, et on vous embrasse parce que. À Zurich, il est quelle heure? La même heure, comme à Gland. On va. Comme à Gland. Ah oui, j'aime bien. J'ai joué à Gland. Mais oui, très j'ai très joué sur Gland même. Vous avez joué sur Gland? Et comment est le public de Gland? Eh bien écoute. Déchiré. Voilà, c'est ça. Il donne beaucoup. Nous sommes avec Christophe Alévèque, et on va traiter avec vous le premier sujet. Donc, on a décidé de le traiter parce qu'à 18h20, Nicolas Demorand va en parler, mais on n'est pas sûr que ce soit très précis avec lui. On connaît. Donc, on a préféré prendre les devants quand même. Ça a survolé, ce garçon-là. Donc, SwissLeaks égrène les noms du Gotha des évadés fiscaux. C'est la manchette du journal Le Monde aujourd'hui. Parmi les personnalités et les chefs d'entreprise qui ont planqué leurs petites économies, il y a une tête de gondole. Mes amis, je suis votre Robin des Bois moderne. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Gad Elmaleh, pas dans un sketch, pas dans une pub, c'est un rôle dans Le Capital de Costa Gavras où il joue un banquier sans scrupules. Et là, en fait, il n'a pas su sortir de son personnage. C'est un petit peu comme Marion Cotillard quand elle n'arrive pas, quand Piaf est toujours en elle. Bah là, c'est. Oui. Je pense que c'était une explication, non ? Marion Cotillard, elle n'arrive pas à entrer dans son personnage. Donc pas pour en sortir. Bon. Oui, Christophe, vous aviez quelque chose à dire ? Oui, non, je veux dire, il n'est pas sorti de son personnage. Par contre, son cachet est resté en Suisse. Mais On rigole. Mais moi qui suis un spécialiste de l'économie également, parce que j'organise tous les ça va faire la deuxième année, la fête de la dette. Ah, qui aura lieu quand alors? Qui aura lieu le 23 mai. Voilà, et là, on est tous les bénéfices vont au Secours Populaire, je vous en reparlerai, 23 mai. Et sur les 15 dernières années, on s'aperçoit que la dette est due, mais tout le monde est d'accord là-dessus, à droite ou à gauche, aux évadés fiscaux, aux exonérés fiscaux et aux niches fiscales. Ce qui veut donc dire qu'on demande à plein de gens de se serrer la ceinture, en particulier, en général, les pauvres, hein, vous me direz, ils sont là pour ça. Surtout, ils sont nombreux. Surtout qu'ils sont pratique. Nombreux et puis qui en général ils disent rien. En plus. Si tu veux, ils n'ont pas de conseillers fiscaux, enfin c'est des tarés. Et, et tout ça parce que des mecs comme. Gad Elmaleh, il n'est pas tout seul. Hein, oui, il y a Jacques de Sange. Voilà, parce que les mecs ne payent pas tout simplement ce qu'ils doivent. Donc maintenant tout le discours c'est oh, mais il a régularisé. Mais t'as vu que si c'était pas fait choper. Je me demande s'il aurait régularisé. Ah oui. Vous voulez dire que c'est pas spontané, quoi, c'est ça. Non, mais il n'a pas régularisé cette nuit. Si, il a régularisé aussitôt qu'on a dit « il a fait machin », et puis a priori, il y a quelques années. C'est antérieur. Mais les comptes planqués en Suisse, c'est vraiment un vieux feuilleton français. J'ai même lu, alors à l'époque, en 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il paraît que tous les commerçants avaient peur et beaucoup partaient en Suisse. Il y avait même des rumeurs de vols en deltaplane depuis les monts de Haute-Savoie. Déjà, donc c'est un vieux. Sauf qu'ici, avec le consortium des journalistes, avec les révélations du Monde, etc., maintenant, on a les noms. Ça, c'est un peu différent, non, parce que ça, maintenant, on peut stigmatiser, enfin, on peut... C'est quand même un peu dissuasif, non? Parce que ça peut gâter le malais, c'est quand même dévastateur. J'ai pas une âme de collabo, mais là, ouais. Non mais là à un moment donné faut sortir les noms parce que ces mecs s'en tireront toujours, ils vont toujours avoir à un moment donné c'est des vrais passe-droits et si on récupérait tout le pognon, puis il n'y a pas que hein, Google, McDo, j'en passe, ceux qui ont laissé leur siège installé à l'étranger, la moitié de la dette française quand même. Clara Dupont-Monod. Oui, il me semble moi que les entreprises justement comme Google ou même Amazon ou des grosses boîtes comme ça sont peut-être plus blâmables que Gad Elmaleh qui a eu un peu plus de 80 000 euros, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est un début. Oui, mais entre 2006 et 2007. Et depuis, son compte a été régularisé. Mais c'est vrai que du coup, on a tendance à tous se jeter un peu sur Gad Elmaleh, parce qu'en plus, il a fait des pubs pour les banques, etc. Mais ce qui m'embête juste un peu, c'est que dans tout ce scandale, il n'y a pas sous silence, justement, Google, qui est, à mon avis, mille fois plus passible de réprimande que des gens comme Gad Elmaleh. Google, il se débrouille pour ne pas payer. C'est de la pipette à côté. Mais on voit aussi qu'avec les noms qui sont divulgués, il y a un impact quand même dans l'opinion. Et voilà, il y a quelque chose d'assez frappant, parce que Philippe Laville, quand même, merde. Oui, terrible. Pas lui, Phil Collins. Phil Collins, dont, alors moi je suis allé jouer en Suisse il n'y a pas longtemps. Et oui, il habite là-bas. Phil Collins, dont la femme est maintenant et s'est fait opérer d'une hanche, figurez-vous. Mais c'est pas drôle. Hein. Elle est paralysée. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas drôle. Ils ont caché la une du journal, comme quoi finalement aller en Suisse, et ben, c'est pas forcément bien. Voilà. Et comme conclusion, alors la Suisse ne livrera. Par contre, pour Gad Elmaleh, excuse-moi de te couper, mais il va y avoir un nouveau dossier maintenant, c'est Monaco. Ah, ouais, c'est ça, parce que lui, c'est le double effet. S'il a arrêté en Suisse... C'est vrai, il est à Monaco, il n'y a pas besoin. Après, il y a des vraies tensions diplomatiques, parce qu'il y a le roi du Maroc, Mohamed VI, il y a le roi de Jordanie, Abdallah II. Là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus délicat et qui s'appelle une sorte de diplomatie économique. C'est beaucoup plus compliqué. Oui. Ouh là, ça, en matière de diplomatie, on est en train de vendre des rafales à l'Égypte, tout ça. Donc, oulala, relativisons. Tiens, pour conclure, la Suisse ne livrera ses informations parce qu'on peut échanger les informations bancaires, etc. Qu'au pays considéré comme important pour l'industrie financière helvétique. Donc, les dépôts de riches ressortissants de pays pauvres, tout ça ne sera pas communiqué. Comme ça, les pauvres pourront rester parfaitement pauvres. C'est la conclusion de ce sujet. Et voilà, c'est comme ça. Thomas VDB, c'est moi. Oulala. Dites donc. Okay, tout à fait. Aussi, vous avez un regard plein d'acuité sur les choses. Plein d'acuité, énormément d'acuité. exceptionnellement, en raison des actualités aujourd'hui, pas d'actualisique, j'en suis navré. Je sais que vous êtes nombreux à réclamer les actualisiques, mais il faut savoir qu'aussi parmi les nombreux dossiers qui ont fuité hier sur internet, il y a un document secret qui émane de Twitter, dans lequel le patron du réseau social reconnaît son impuissance à lutter contre les trolls. Alors je précise pour ceux qui ne sont pas adeptes des réseaux sociaux qu'un troll sur internet, c'est la personne qui va dire du mal, qui va critiquer, qui va harceler. Hein, quand on dit troll, on ne parle évidemment pas d'un Twitter peuplé de lutins ou de farfadets. Alors, c'est vrai que c'est pas dur de se rendre compte quand on va sur Twitter ou Facebook, il y a quand même pas mal de gens pour qui critiquer, dire du mal est une sorte de hobby. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut s'abstenir de faire des critiques, il peut y avoir des critiques constructives, mais il y a aussi des gens, il y a qu'à les lire une fois pour se rendre compte que ce sont de véritables petites boules d'aigreur. Hein, je pense qu'à partir du moment où dans la vie, ne serait-ce qu'une fois, tu prends le temps d'allumer ton ordinateur, d'aller sur internet pour regarder un truc que tu n'aimes pas déjà à la base, pour aller marquer un commentaire genre « t'es mauvais !» Hein, ou bien alors, franchement, ça fait de la peine tellement t'es nul. Et bien d'évidence, tu as raté ta vie. Alors, c'est fou de voir d'ailleurs combien le monde réel semble bien coordonné, combien les gens peuvent être polis, se sourire dans la rue, comparé à ce que dès qu'ils arrivent sur internet, anonymes, ils se lâchent avec des commentaires genre t'es nul. Hein, évidemment, j'ai pas nombreux à faire ça. Alors, évidemment, plus on est connu, moins on est atteint par les commentaires négatifs. Je doute que par exemple, le chanteur, je sais pas, Bruno Mars, qui vend des millions de disques, soit affecté de lire un commentaire négatif sur internet et qu'il se dise eh merde. Il y a Jean-Pierre de Montélimar, il n'est pas mon album, évidemment. Alors, mais je dis ça aussi parce que depuis hier, évidemment, tout le monde se lâche sur Gad Elmaleh. Tout le monde se moque de lui sur Internet parce qu'il a caché de l'argent en Suisse. Excusez-moi, je trouve ça un peu facile. Franchement, je ne vais pas vous mentir, moi aussi, je voulais aller placer de l'argent en Suisse. Le seul problème, c'est que je me suis renseigné sur le prix des TGV pour aller à Lausanne. C'est hors de prix. Ça n'est pas dans mes moyens, bien malheureusement. Alors, c'est aussi pour ça que par souci de transparence à l'égard de tous mes fans, et voilà, je pense, je sais qu'ils m'écoutent tous les quatre, et bien préférant devancer les éventuels commentaires négatifs qui pourraient être faits sur moi, je souhaite rendre public le capital

puisqu'elle bosse à l'UMP, un parti qui n'intéresse absolument plus les Français. Merci Guillaume Meurice. Vous en avez pensé quoi en voyant votre idole face à face, comme ça, les yeux dans les yeux, Nadine Morano? C'est intimidant, hein. C'est sûr. C'est un grand moment dans votre carrière. C'est un grand moment. Puis là, en plus, il y avait Estrosi à côté, vous comprenez? Et dites-moi, Christophe Albeck, je pense que. Il y avait Balkany aussi. Ah, je ne l'ai pas croisé. Et Copé non plus. Je pense que la bonne nouvelle dans le reportage de Guillaume, Christophe Albeck, c'est qu'on a des nouvelles de François Fillon. Oui, il était là. Il est vivant. Il était là en tout cas. Monsieur Fillon. Mais ce qui est hallucinant quand même, c'est ce qui m'étonne toujours, c'est les jeunes. À 20 ans, être fan d'Alain Juppé. À 20 ans, je sais pas, t'es anarchiste, communiste, tu fais chier tes parents. Ouais, mais maintenant il fait la une des Inrocks, il a le swag, il fait la une des Inrocks. Peut-être ils ont des parents communistes et ils font chier leurs parents en étant juppéistes. Peut-être. Même pour un UMP très très à droite, être juppéiste, c'est un peu. C'est un peu un rebelle. Je vois que le sujet vous passionne. Donc justement, lors du Conseil national de l'UMP, on a pu assister à la bataille des ténors du parti. Vous voyez que c'était l'harmonie totale. La Donna dell'Argo de Rossini. Il paraît que c'est le plus beau duel de ténors, selon nos confrères de France Musique qui nous ont conseillé. Je confirme que vous avez été vous renseigner là-bas. Je suis allée me renseigner. Et quand je leur ai dit c'est pour l'UMP, ils sont tombés de leur chaise. Je dois vous dire. Alors tiens, il y a notamment Juppé qui s'est donc fait huer pour la deuxième fois. Mais là, dans le fond, se faire huer par le noyau dur des sympathisants UMP pro-Sarkozy, finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose? Bah, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai fait mon papier là-dessus ce matin. Chez Nagui, à 11h, dans la bande originale, on vous retrouve chaque lundi. Et j'ai lu qu'en fait, Silvio Sarkozy avait demandé, avant que Juppé rentre sur scène, il avait dit aux gens, si vous aimez, vous applaudissez beaucoup, si vous n'aimez pas, vous ne dites rien. Enfin, il avait mis les choses au point. L'autre rentre sur scène. Ça veut dire que c'est plus le chef. Ce qui est assez marrant pour avoir été juste à côté à ce moment-là, c'est de regarder la tête de Nicolas Sarkozy quand Juppé se fait huer. C'est-à-dire qu'il a une espèce de petit rictus comme il a souvent, mais il a un petit sourire quand même. Il fouille dans ses papiers, mais il a un petit sourire. Donc si Nicolas Sarkozy a dit juste avant, si vous n'aimez pas, bon, vous n'aimez pas et vous le faites sentir. Donc il y a une forme de... il a dit justement, si vous n'aimez pas, vous ne sifflez pas, vous ne huez pas. Vous m'écoutez quoi. C'est le pacificateur. Il est bien connu pour ça. Mais bien sûr. D'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il raconte. Donc, le souhait émis par Sarkozy, je le cite, quand il a pris la présidence de l'UMP, il veut un vaste rassemblement qui s'adressera à tous les Français sans aucun esprit partisan dépassant les clivages traditionnels. J'ai un début d'érection. Je comprends. Mais c'est joli. Ce qui est plus embêtant. Projet à la baisse. Ce qui est plus embêtant peut-être pour la droite, c'est que ce n'est pas deux querelles de personnes. Ça nous a quand même l'air d'être aussi deux querelles de courants d'idées. Parce que Laurent Wauquiez avait fait un discours le matin aussi et il a été ovationné. Et il a fait un discours... Avec des pics contre Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. Et en fait, c'était une humiliation pour Nathalie Kosciusko-Morizet qui est arrivée juste derrière. Mais lui, donc, était dans une posture très droitière et elle prenait le vote PS pour la droite. Oui, c'est l'unité. Donc, et voilà. Et ce qu'il n'y a pas, c'est presque plus de courants de fond qui vont là se heurter plutôt que deux personne. On pourrait dire que c'est une question d'ego finalement, mais ça m'a l'air d'être plus profond que ça. Oui, oui, c'est beaucoup plus Laurent Wauquiez que les trisomiques du monde entier nous envient. Il est quand même lui. Bah, c'est pareil, c'est comme Marano. Il parle pas, il jappe lui. Hein. Mais c'est plus profond que ça. Et quand on regarde les élections qu'il y a eu dimanche, la plupart des voix de l'UMP sont quand même allées au Front National. Au Front National. Donc. La stratégie du nini. Le nini qui a été voté. Et que vous avez évoqué ce matin. Ça marche pas. Juppé, ça marche pas. Sarkozy, ça marche pas. Wauquiez, ça marche pas. Morano, ça marche pas. Hortefeux. C'est la seule solution. Et alors, pour équilibrer les choses, pour terminer ce sujet, équilibrer les choses, sachez qu'au Conseil National du PS, ce week-end, il y a aussi 27 contributions qui ont été déposées, c'est-à-dire 27 courants. Et donc ça nous annonce des sujets. Il y avait un très chouette tweet qui disait 27 nuances de socialisme. Ah voilà, c'est ça. Oui. Et eux appellent ça la démocratie interne. C'est courant. Mais ils sont hallucinants quand même. Moi, je ne comprends pas qu'à l'UMP, parce qu'ils pouvaient s'y attendre, c'est le piège, c'est le bâton merdeux. Et ils n'étaient même pas réunis avant pour dire voilà ce qu'on va raconter aux gens. Ouais, bah le chef était à Abu Dhabi, en même temps, il peut pas être partout. C'est pas Nini, fric. Clara Dupont-Moneau, prenons un peu de recul sur ces choses. Mais oui, cette politique aérienne, comme dirait Nicolas Sarkozy. Oui, parce que Charline, l'actualité, c'est aussi l'élégant bras d'honneur formulé hier par votre favori Alexis Tsipras lors de son discours de politique générale. Ça a été repéré. Voilà, il a répété aux instances européennes qu'il refusait leur programme d'aide. Attendez, c'est ce qui ressemble à Patrick Cohen, hein, pas de polémique. Hein. Ah oui, c'est pas ce que vous m'aviez dit dans le bureau. Ah mais bon, il a répété aux instances européennes qui refusaient leur programme d'aide et que l'austérité, ça commençait à bien faire. Alors, il se trouve que, je parierais fort, que Alexis Tsipras a très certainement lu un tout petit livre français sorti récemment, signé de Olivier Clodon et qui s'appelle Etoc, sous-titre Le meilleur des réparties pour moucher les emmerdeurs, les cons, les prétentieux et autres ennuyeux. Si tu veux un suc, tu le voles. Si t'as envie de caresse, tu gueules. Joli principe. Et si on t'emmerde, tu mords. Alors, il y a plusieurs façons de mordre. Et c'est pour ça que l'auteur, donc Olivier Clodon, a rassemblé dans ce livre tous les doigts d'honneur verbaux en littérature, en politique, dans le cinéma, dans la vraie vie. Ça va de Louis XV à Michel Audiard, en passant par Alexandre Dumas. Il se trouve que tout le monde, à un moment ou à un autre, on a eu affaire à des indésirables. Alors, pour congédier les emmerdeurs, il y a la façon diplomatique, façon Alexis Tsipras, comme hier. Mais il y a aussi le tacle. Tsipras aurait pu balancer à Angela Merkel, et il pourra certainement le faire un jour, cette phrase tueuse de Jacques Prévert, je cite « Les sorciers, lorsqu'ils font de terrifiantes conneries, on accuse toujours l'apprenti ». Et ça colle fort bien à la situation d'aujourd'hui, on imagine la tête d'Angela Merkel. En parlant de tête, en parlant de physique, Olivier Clodon nous rappelle cet échange électrique entre Winston Churchill et Bernard Shaw, qui était un écrivain, et les deux se détestaient. Et Churchill était très corpulent, et Shaw était très maigre. Et Churchill, langue de vipère, lui lance un jour « À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famine règne en Angleterre. » Et Shaw lui rétorque « À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est vous qui en êtes la cause. » Et volant. Et cet échange marche aussi pour la Grèce et pour Angela Merkel. Vous écoutez bien, ça colle exactement. Alors, il peut arriver que la personne en face de vous soit beaucoup plus agressive, ça peut arriver. Imaginez Jean-Claude Juncker, par exemple, qui se met à insulter Alexis Tsipras en plein séminaire européen. Il se lève, il bave, le costume gris tremble, il pointe son doigt vers Tsipras en balbutiant « drek, drek », ce qui signifie en luxembourgeois, car j'ai regardé « saleté », « saleté, saleté » en luxembourgeois. À ce moment, Alexis Tsipras doit se souvenir de Jacques Chirac. Jacques Chirac, un jour, à Bormes-les-Mimosas, à la sortie de la messe, un individu lui a lancé un tonitruant « connard ». Et là, je cite Olivier Clodon, tout sourire, le chef de l'État se dirige tranquillement vers l'énergumène et lui serre la main en disant « Enchanté, moi c'est Jacques Chirac ». C'est merveilleux. Et alors, d'où Chirac tirait cette répartie ? Oh, on le regrette. Ah ben attendez, vous ne croyez pas si bien dire. Il tirait cette répartie de Cyrano de Bergerac. Acte 1, scène 4, le vicomte éructe, maraud, faquin, butor de pieds plats ridicule. Et Cyrano, ah ? Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. C'est de là d'où ça vient. C'est quand même assez... Chirac avait des références, effectivement. Alors, parfois, les emmerdeurs sont juste prétentieux, du type dragueur lourdingue, hein, Alex, banquier européen, débutant arrogant. Quand une jeune actrice débutante a dit à Sarah Bernhardt « Oh, moi, je n'ai jamais le trac sur scène », eh bien, Sarah Bernhardt a répondu « Ne vous inquiétez pas, ma petite, ça viendra avec le talent. » Moi, c'est ma préférée, c'est la chose la plus méchante que j'ai jamais entendue. Et quand le producteur Samuel Goldwyn a glissé avec autosatisfaction « En ce moment, je travaille sur mon autobiographie », le scénariste Billy Wilder lui a rétorqué « Ah, et ça parle de quoi ?» Voilà. Là, ça y est une arme, et il faut être équipé d'un arsenal lorsqu'on est confronté au con. Notez que le mépris fonctionne assez bien. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Voilà, c'est un singe en hiver où tout est dit. Et le dernier bel exemple de mépris reste ce duel que j'adore, Churchill-Shaw. Bernard Shaw envoie à Churchill une invitation pour venir voir sa dernière pièce. Et il écrit « Veuillez trouver 6 juin deux places. Venez avec un ami, si toutefois vous en avez un. » Et Churchill, ulcéré, prend la plume et lui répond « Étant absent de Londres, je ne pourrai pas venir à la première représentation de votre pièce, mais je viendrai volontiers à la seconde, si toutefois il y en a une. » Ah là là. Je vous redonne les références pour Alexis Tsipras et pour nos auditeurs. Le meilleur des réparties pour moucher les emmerdeurs, les cons, les prétentieux et autres ennuyeux d'Olivier Clodon, c'est aux mille et une nuits. Merci Clara Dupont-Mono. Je rappelle que toutes les références des livres dont vous parlez à l'antenne se retrouvent sur franceinter.fr voilà, pour les auditeurs qui seraient en automobile. Et il y en a une, ça m'a une de Churchill qui était quand même un grand spécialiste. C'est une députée, parce qu'il était quand même légèrement misogyne, Churchill, enfin légèrement, oui, nous, à côté, on légèrement. Est des agneaux. Et il y a une députée qui lui dit « Si j'étais votre femme, je vous ferais une soupe à l'arsenic. » Et lui lui répond « Si j'étais votre mari, je la boirais. » Il y en a une autre aussi, c'est quand quelqu'un dit un truc un peu désobligeant, il dit « Toi-même !» Ah oui, c'est vrai, ça c'est... Merci Thomas BDB, ça c'est cette intervention brillante. C'est celui-là qui dit qu'il y est. Ça c'est Nicolas Sarkozy. Il est bien mouché, là, qui a bien c'est fermé Nicolas sa gueule. Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. Descends un petit peu ici, descends. Ben oui, ben ça c'est tous les mecs qui n'ont pas lu. Hein. Ça me ferait bien mal, ouais. C'est pas mal aussi. Ça me ferait bien mal. Votre livre de réplique, c'est un feuillet, sort bientôt. Le fascicule. Le fascicule. Merci Thomas BDB. Allez, troisième sujet abordé avec Christophe Alévèque, un atoll polynésien et dessus des candidats tout nus qui gâchent le paysage. C'est la dernière fulgurance de la télé-réalité. Dans quelques semaines sur D8, les participants vont pouvoir draguer le Sgeg aux 80. Bon. Pomaï, tu devrais changer de slip. Ça va pas, non? Il est impeccable, il est ce matin. Non. Oh non, c'est pas ça, c'est la forme. Tu vois, ça casse un peu le personnage. Eh ben, t'inquiète pas, ma chérie. Ça casse pas ce qu'il y a dedans. Les bronzés, évidemment. Adam recherche Ève. C'est le nouveau programme de télé-réalité sur D8, venu des Pays-Bas. Alors, on verra les fesses et les seins, mais le sexe est flouté. Alors, déception. Bah, quel intérêt de faire un truc où tout le monde est à poil et le sexe est flouté? Bah, alors, sa réponse. Vous êtes le référent. Je suis le référent. Ouais. Mais non, mais D8, c'est vraiment c'est la nouvelle poubelle. C'est du paf. Et voilà, un poste de chroniqueur qui vient de s'envoler sur D8. Mais, il concourt pour... Je comptais pas trop y aller. C'est senti. C'est réciproque. Hein. Alors, on nous prévient que c'est un programme non sexué. Il n'y a pas d'argent à la clé. C'est une manière de s'assurer que les gens sont dans une démarche sincère de quête amoureuse. C'est un programme romantique. Il y a quand même Madeleine en interview qui dit « J'ai voulu me prouver que j'en étais capable. » Te balader à poil sur une île pendant une semaine, je pense que tout le monde n'est capable. Vous regarderez pas même un peu, Christophe Collet ? Non, j'ai arrêté de... Tu veux que je te dise un truc, ça me fait même plus rire. Ouais. C'est tellement... tu regardes ça, tu peux même pas dire que c'est à chier parce que dès le départ, t'es vide. C'est une... Là, je vais faire un vieux con, mais... Même en rire, c'est plus possible, quoi, parce que c'est trop long. Mais même, je pourrais même pas écrire un papier là-dessus, tellement mais c'est... Même si je vous dis que... c'est ridicule. Même si je vous dis que dans Le Parisien aujourd'hui, en France, aujourd'hui, on a interrogé un anthropologue. Même ça, c'est... Parce que ça, c'est rigolo, quand même. Un anthropologue a été interrogé, il dit... Il prend de la perspective, de la hauteur. Ah ben oui, il dit... La pudeur est née du péché originel. Adam et Ève se cachent le sexe à partir du moment où ils ont connu le péché. Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas Ève cherche Adam ? Oui, c'est vrai, ça, dans le fond. Cherche Ève, mais je crois savoir que Ève peut aussi chercher Adam. Oui. Je dis pas ça pour vous, Alex. Hein. Non, j'ai bien senti. Oui. Vous disons qu'ils cherchent réciproquement. Voilà. Alors, donc, l'éditorial du Parisien aujourd'hui en France nous rappelle que la télé-réalité n'est pas la réalité, c'est une fiction. Parce que c'est mis en scène. Voilà. Mais non seulement ça, mais en plus, donc ils vont gagner du fric avec ça, ils ne payent pas les participants. C'est de l'esclavage, en gros. Alors, je connais pas les teneurs du contrat, mais apparemment, il n'y a pas d'argent qui est gagné. Elles sont peut-être rémunérées. Le vainqueur ne gagne pas d'argent. Et puis, il y a des scénarios, il n'y a rien, en effet, au hasard. En plus, ils vont même pas leur offrir un t-shirt. Donc, ça sert non. À rien, quoi. Non, bah, c'est même ça, pas un string. Rien du tout. Non, mais écoutez, ne regardez pas. Écoutez la radio, c'est mieux. Hein, mais il ne faut pas regarder. On est habillé. C'est même pas drôle. Mais malheureusement, c'est là qu'on voit. Quand tu dis les émissions culturelles, le dernier sondage qui a qui a eu lieu, c'est 60% des gens réclament des émissions culturelles à la télé, 0,6% les regardent. Donc ça veut dire que le téléspectateur pense à son compte voisin, mais pas lui. Voilà. Non, et au pire, ne regardez pas, les sexes sont floutés, ça n'a aucun intérêt. allez, dernière petite revue de presse à deux voix avec Alex Vizorek. Oui. What do you want? Yes. No problem. Need to know. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mettez? Again, the no. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, 90 ans, a été désigné président de l'Union africaine. Ah, et on sait pourquoi, c'est lui qui a été désigné. Oui, parce qu'en fait, à l'Union africaine, c'est une présidence tournante. Ah, et on ne rappellera jamais assez le danger que représentent les tournantes. Le dictateur zimbabwéen a donné un discours dans la salle Nelson Mandela. Ah, ça c'est un petit peu comme si DSK donnait une conférence dans la salle Simone de Beauvoir. Et Mugabe a tenu un propos anticolonialiste, il a dit « Les ressources de l'Afrique appartiennent à l'Afrique ». C'est ça, et les ressources du Zimbabwe appartiennent à Mugabe. C'est ça. Et les ressources de Mugabe appartiennent à la Suisse. C'est ça. Et la Suisse appartient aux banques. C'est ça. Donc finalement, les ressources de l'Afrique appartiennent aux banques. C'est ça. Voilà. C'était l'édito subsaharien de Charline Van Loeck. Allez, terminé par une petite info de chez nous. Oui, juste pour vous prouver que nous, Belges, nous restons au top. Suite au décès de la reine Fabiola, il y a quelques semaines, le Palais Royal avait envoyé des remerciements avec une petite boulette. C'était écrit « Chère famille, Madame, Monsieur, Leur Majesté le Roi Albert II et la reine Paola vous remercient de tout cœur pour les paroles réconfortantes reçues suite au décès de Sa Majesté la reine Paola. » Donc ils ont mis deux fois la même, c'est pas grave, voilà, comme la presse a relevé, ils ont envoyé des excuses et cette fois-ci le palais s'est excusé suite à l'erreur qui s'était glissée dans le premier faire-pa qui annonçait la mort du roi Fabiola. On attend donc avec impatience les excuses des excuses du faire-pa. Mais là, au moins, on se marre. Vous ah, voyez, bah c'est chez nous, ça. C'est le protocole du palais. Ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est très bien. C'est brillant. Mais oui. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Ça vous plaît, ça, les palais, les histoires de palais. Vous êtes une midinette, Clara Dupont. Alors, le prince Laurent a dragué Julie Gayet à la remise des Magritte. Ça, je tiens à le dire. Si François Hollande nous écoute, il a dit vous êtes charmante. Ouais. Et François Damiens. Vous appelez draguée. François Damiens lui a dit vous êtes là malgré votre agenda de ministre. Ce qui est bien envoyé. Merci, Christophe Lévesque, d'être resté avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les lundis dans l'émission Nagui à 11h, la bande originale. Christophe à l'évêque déchaîné, vous êtes actuellement en tournée. Vous serez les 13 et 14 février à Mulhouse. Et pas que, il y a Valsenis aussi, c'est oui, ça. Oui, j'aime bien parler de Valsenis, cette station de ski absolument magnifique. Voilà. Si on tape christophealevec.com, on va trouver toutes vos dates. Et comme vous êtes à Valsenis... Écoute, peut-être. Voilà, on va chercher. Comme vous êtes à Valsenis, vous allez passer de l'autre côté avec votre forfait. En Suisse du 25 au 30 mars, parce que on vous a vu venir, c'est-à-dire que Valseni, bim, de l'autre côté. Ça fait hop. Quand même trois fois que tu répètes que je. Mais c'est pour la bonne cause. Et c'est un pur hasard. Mais oui. Je veux dire. Et là, je ne dis trop rien parce qu'après, vous allez utiliser ce que je dis. Non, vous inquiétez pas, c'est pas le genre. 2000 ans de mensonges, et avec Christophe Alévèque et Serena Rinaldi. On vous conseille ces deux spectacles. Allez, c'est la fin de cette émission. Le mot de la fin à Gad Elmaleh dans un rôle de composition. Je vois ce que la banque fait pour vous. Je vois pas ce que vous faites pour elle.